Paris sind die Mädels so süß, wenn sie flüstern, Monsieur, ich bin dein. In Paris ist im Frühling so süß, ein Monsieur bei den Damen zu sein. Jede lacht dir zu, jede sagt dir du, schwört dir treu zu sein. Doch nicht wir allein. In Paris sind die Mädels so süß, wenn sie flüstern, Monsieur, ich bin dein. Paris, tu vois ma petite Nini, on peut vivre heureux et bien unis. Nous sommes seuls ici-bas, on s'en aperçoit pas, on s'approche un peu plus, et voilà. Tant que tu m'aimes bien, je n'ai besoin de rien, près de ta maman. Tu n'as pas de tourment, c'est ainsi, cœur en cœur, un cœur comme une fleur, sous les toits de Paris, le bonheur.